après. On va à Rodez. Ouais. On va se grouiller. Et on va à Narbonne. Ah ouais, pas mal. Vous arrêterez avant et après le match, c'est ça? Mais avant, non, parce que c'est plein. Ouais. Par les supporters de Saint-Sulle, et après c'est plein parce que c'est les dirigeants de Saint-Sulle. Ah ça alors. Et vous jouez un samedi soir, c'est déjà prévu? Ah ouais, d'accord, ouais. 18h30. Ah ouais, trop bien. Et on devait y aller après le match manger. Et justement, c'est plein, donc on peut pas y aller. Mais c'est une capacité de combien de personnes en plus? Ils peuvent recevoir beaucoup de monde là-bas? Ouais, et puis il y a plusieurs services. Et c'est plein, malgré tout. Deux services, ouais. C'est plein, et il faut réserver quelques mois à l'avance en plus. C'est incroyable. C'est incroyable ce restaurant. T'as plein d'Espagnols et tout, vu que c'est à la frontière. Oui. Parce que c'est des bons produits en plus. Ok. C'est toi ou c'est moi qui vibre hein? Ok. Bon, mais du coup, mon Juju, on va lancer cette interview. Ouais. Donc aujourd'hui, épisode un peu particulier parce que j'interroge mon meilleur ami, celui qui me fait le plus rire, celui qui me connaît le mieux, certainement. Donc, ça va être toi dans la position de l'interviewé. Mais je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa de te faire connaître, de faire connaître ta passion pour le rugby, de faire connaître un peu le style de joueur que t'es. Et de personnes aussi. Mais pour commencer, peut-être te présenter. Moi, la question que j'ai, c'est comment un mec né à Valence, qui a joué à la Voulte, se retrouve aujourd'hui en banlieue toulousaine, à 27 ans. Ouais, ben déjà, je suis flatté que tu m'interviews. Plaisir. Enfin, j'ai commencé à Montméran, c'est à côté de Valence. Ensuite, en minime, j'ai tenté ma chance à la Voulte, où j'y suis resté 2 ans. Oui. Et ensuite, Montpellier m'a appelé en cadet deuxième année pour aller y jouer. Donc, j'ai fait 5 ans où je t'ai rencontré. Oui. Où on a joué presque 4 ans ensemble. Et après, Colomiers est monté de Fédéral 1 à Pro D2, donc j'ai voulu tenter ma chance, j'ai envoyé un CV, j'ai été accepté, j'ai fait mes 2 années espoir là-bas avec 2 feuilles en Pro D2, oui. À La Rochelle et à Agen, et j'en garde un très bon souvenir, surtout à La Rochelle, avec guichet fermé, leur ambiance de fou, et puis mes parents qui avaient fait le déplacement avec mon frangin. Voilà, et de là, à la suite, enfin après les années espoir, Saint-Sulle est venu me recruter. Donc ça fait ma 5e saison là, que j'attaque avec. Ok. Bon, moi déjà, tu as déjà présenté tes parents et ton frère. Vous êtes vraiment une famille rugby, une famille de passionnés. Peut-être en parler. Depuis toujours, vous parlez rugby à la maison, vous vivez rugby. Ah bah ouais, complètement. Ouais. Mon père a toujours joué, donc le dimanche après-midi on était au match, après on restait faire les 3e mi-temps, on pleurait parce qu'on voulait pas aller à l'école le lundi matin avec mon frangin. Voilà, les vendredis soirs après l'entraînement c'est lui qui faisait à manger, donc on allait exprès le vendredi, on se rejoignait là-bas. Et puis tous les week-ends où on joue à la maison, ils sont là. Ils se tapent 4 heures de route aller, 4 heures retour dans la même journée. Voilà, et la veille, ils vont voir mon frère qui joue à Romans. Oui. Voilà. Ouais, ça a toujours été... Le rugby, c'est la vie. Quoi. Ouais. Voilà. Vraiment. Et du coup, là, tu as parlé de tes 2 matchs en équipe première avec Colomiers. Tu peux nous rappeler le contexte, comment t'es arrivé dans l'équipe première et... Tes 2 matchs aussi, tes 2 petits bouts de match, comment tu les as ben, en fait, je monte parce que c'est Vivalda qui se fait exclure lors d'un Colomiers-Hoche, où il y avait une belle petite générale. Oui, j'étais là, je me rappelle. Sous nos yeux, en plus. Oui, c'est vrai, sur un coup d'envoi. Donc voilà, et puis le lundi, j'ai mon entraîneur des espoirs qui m'appelle, en me disant si j'étais libre... le mardi pour aller m'entraîner avec la première parce qu'ils cherchaient un second ligne pour dépanner quoi. Donc j'ai posé des heures au boulot pour pouvoir m'entraîner. J'ai fait 2 entraînements la semaine et sans savoir que j'allais jouer parce qu'en plus il restait quand même du monde. Et puis lors d'un entraînement, c'est mes mains qui se blessent au mollet et là j'étais sûr d'être sur la feuille quoi. Oui, il restait plus que 3 deuxième ligne, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, ça c'était pour La Rochelle. Et en fait, entre La Rochelle et Agen, il y avait un match, un week-end off. Voilà, donc j'ai fait mes deux matchs, 20 minutes en tout, un quart d'heure à La Rochelle et 5 minutes à Agen. Ouais. Et à Agen, le maxi. Le truc le plus vendant, c'est qu'on les a fait reculer et qu'il y avait Nargissi en face. Ouais. Avec la première ligne, c'était que des espoirs. Et moi, j'étais attelé à Cholet, le fils de Gérard. Oui. Voilà. Magnifique. Trop bonnard en plus. Ouais. Voilà. Et juste parce que je connais l'anecdote, ton entrée en jeu à La Rochelle, ta petite dédicace à Gouta. Ouais, Gouta m'appelle, il me dit, allez, Jus, c'est à toi. Je le prends par le cou et je lui mets un coup de tronche avant de rentrer. Voilà, et à la fin du match, il me dit, t'es le premier à me le faire. Oui. Voilà. Sachant que c'était un joueur bien vaillantasse, donc ça n'a pas dû le laisser insensible. Il avait le sourire. Donc encore aujourd'hui, donc ça fait 4 ans ou 5 ans, par là, t'en gardes un souvenir magnifique. Ouais. En rentrant sur le terrain, je voyais mes parents en face. Donc, oui. Ouais, la petite larmichette, hein, normal. Voilà, après le match, on s'est retrouvés. Ma mère en pleurs. Oui. C'était vraiment cool. Un bon souvenir. Ouais, j'imagine. Et en plus, La Rochelle, là, c'est l'année où ils montent. C'est ça, la finale d'accession, c'était La Rochelle à Agen. Oui. Et nous, on y va à La Rochelle, on est cinquième et eux, ils sont seconds. D'accord. Donc, c'était presque la maxi-affiche de la journée, quoi. Oui. Bon, et on prend 40 points. Ouais. Il n'y a pas eu match. Ouais. Et du coup, dans ta famille, on est fan de Toulon. Ouais. Du RCT. Ouais. Bah, l'idole à mon père, c'était Eric Champ. Oui. Donc, de là, après, il nous a, sans dire, mis Toulon sous le nez, tout. Toute notre vie, mais après on s'intéresse forcément à l'équipe du papa, et voilà, après c'était les valeurs qu'on aimait aussi, quoi. C'était à la maison, interdit de perdre, puis si tu reculais, t'envoyais la sauce, ouais. Voilà, je t'apprends rien, t'es de là-bas. Oh ouais, hein? Bon. Voilà. Je suis pas connu, moi, ce rugby-là. Ouais, chez les jeunes, si, quand même. Ouais. Parce que quand on se déplaçait là-bas, c'était toujours hostile. Fallait voir. Les couilles, quoi. Ouais, c'était sympa, franchement, c'est des bons souvenirs, ça aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Ça crée des liens après, en plus. T'as les copains, voilà. C'est sympa. Oui. Ok, donc Mino, tu descendais à Mayol et tout, c'est bien ça? Non, pas du tout. Non? Ah, tu m'avais inventé ça? Non, c'est juste qu'on faisait un match par saison. On avait 4, à partir que j'avais 14 ans, par là. Oui. 14-15 ans, quoi. Bon, c'est déjà ça, quand même, de Oui, oui. Ouais. Et du coup, ta passion pour Toulon, en terre toulousaine, comment elle est vécue? On te chambre là-dessus? Moi je me régale. Tu chambres là-dessus? Moi je me régale déjà de les embraser. Hein. Tu vois, hier Toulouse-Castres, Castres a gagné à Toulouse, donc là, mardi à l'entraînement, je vais pas arrêter. Et puis voilà, eux, forcément, ils aiment pas Toulon. Je suis arrivé à Toulouse avec mon maillot de Toulon. Si t'es en rouge et noir, c'est grâce à nous. Oui. Voilà. Après, c'est bon enfant, donc c'est cool. Oui. Mais t'es un peu tout seul contre tous, quoi. Ah oui, oui. Oui. Ouais, mais ça me fait rien. Ouais. Et du coup, tu pourrais un peu nous parler de ton club de Saint-Sulpice, là, où tu joues? Ouais, Saint-Sulpice sur l'Aise. Ouais. Écoute, on est un bon petit club village de copains. On s'entraîne deux fois par semaine, avec le match le dimanche. Voilà, c'est le rugby à papa, quoi. C'est ce que je recherchais en quittant Colomiers. Oui. Et puis on m'a bien vendu ce que je recherchais, quoi. C'est Toulouse, Saint-Sulpice, c'est un club à part dans la région toulousaine, quoi. Oui. C'est un club de village, il y a 1500 habitants, et t'as 1000-1200 personnes le dimanche après-midi. Donc c'est vraiment cool, et puis c'est notre rugby à nous, un peu sud-est, quoi, voilà. C'est un club sud-est dans la région sud-ouest. Voilà. Et tu décrirais ça comment, le rugby sud-est? À l'ancienne, quoi. Tu te laisses pas faire, il faut avoir du caractère. Les supporters qui supportent à la limite. Oui. Et qui se déplacent, quoi, qui font vraiment le taf, c'est voilà. Puis sur le terrain, tu te transcendes, voilà. De peut pas toucher le ballon pour certains, mais c'est pas grave tant qu'ils peuvent filer des coups de tronche, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, malgré tout. Pour venir gagner à Saint-Sul, tu demandes à n'importe qui, c'est pas évident. Oui. Parce qu'il y a vraiment l'envie, quoi. C'est... Voilà. Il y a un truc qui se fait le dimanche à 15h30, quoi. Vraiment. Ok. Mais malgré tout, vous avez quand même des joueurs de qualité et vous produisez un bon jeu. Oui, oui, oui. Bah, ça a bien évolué parce qu'avant c'était surtout un jeu d'avant et maintenant les trois quarts, franchement, ils tapent la gonfle. Ils savent se faire trois passes. Voilà, non, mais franchement, il y a une belle osmose en plus entre avant les trois quarts. C'est une belle année là qui s'annonce. Oui. Voilà. Voilà, voilà. Et ton plus beau souvenir depuis que tu as Saint-Sulpice, ça serait lequel? Il y en a deux. Il y a la victoire à la maison contre Angoulême l'année où ils montent. Oui. On les tape 18-16, je crois, de mémoire, avec une pénalité de Roquebert à presque 60 mètres à la dernière action. Et là, récemment, la réception de Romain Valence, avec mon frangin en face, quoi. Oui. Où on perd, mais on doit gagner. Oui. Voilà. Après, on a vraiment vendu du rêve, et sur le terrain, on bandait tous, quoi. C'était vraiment sympa. Donc au niveau émotionnel, ce match-là? Ouais, ouais. Bah ouais, c'est grave. Mon père qui donne le coup d'envoi fictif avec mon petit, et en face, mon frangin, quoi. C'était cool. Ouais. Avec plein de petits clins d'œil du club de Saint-Sul envers mes parents. Donc, okay. Voilà, l'esprit famille encore, quoi. Voilà. Exactement. Dans lequel tu te retrouves énormément. Ouais, ouais. Et dans lequel tu penses que le monde entier amateur baigne, ou seulement quelques clubs? Ouais, peut-être pas tous, parce que même si c'est amateur, t'as été un peu rémunéré et il y a quelques différences entre joueurs et ça peut nuire à l'ensemble du groupe. Oui. Ouais, Saint-Sulpice, ça se passe bien parce qu'il n'y a pas de prise de tête. Tout le monde reste le jeudi soir après pour manger ensemble, après l'entraînement. Enfin. Mais je pense pas que ça se passe comme ça de partout, quoi. Oui. Parce que j'ai des copains un peu partout et ils m'en parlent, c'est pas comme moi j'en parle, quoi. Oui. Pourtant, c'est amateur. Voilà. Ok, donc du coup, ton avis un peu sur le monde professionnel aussi, ça serait lequel? Le top 14, ça fait un mois que ça a commencé. J'ai regardé le premier match hier, quoi, parce que je m'y reconnais plus forcément. Déjà par rapport à leurs vidéos, toutes les deux actions, y a appel à la vidéo, des trucs comme ça, ça c'est chiant. Oui. Ça casse tout. C'est tout. Mais bon, ça reste un sport de combat aussi, quoi. Donc, même s'il y a un accrochage, voilà. À la limite, on appelle les deux capitaines pour calmer les troupes, mais sans cesse, la vidéo, ça dure en plus 10 minutes chaque action, c'est bon. C'est casse-couille. Oui, oui. À part la vidéo, il y a quoi qui te gêne dans ce rugby-là? Les mecs, déjà, ils y comprennent plus rien. Ils viennent au stade pour se faire voir, pour se montrer. C'est des spectateurs en fait, c'est plus des supporters. Mmh. Dans la majorité des cas. Ouais. C'est pourri, quoi. C'est la magouille, c'est tout ça. Moi, je m'y reconnais plus. D'accord. Il n'y a même pas une équipe dans laquelle tu fonds un espoir ou. Il y a La Rochelle. La Rochelle, ça m'a l'air un club encore. Bien familial, le président, on l'entend jamais. Puis ils bossent, quoi, franchement. Ils en sont là, ils se le sont pelés, quoi. Oui. Bon, après avec l'arrivée de tous ces étrangers aussi, c'est plus le rugby français, quoi. Voilà. Mm. Et ça se retrouve encore plus bas dans les niveaux plus bas, quoi. C'est ça qui est dommage aussi. Et c'est quoi pour toi le rugby français alors? Le rugby français, c'est avec des joueurs français déjà. Oui. Et puis là, j'ai regardé le rugby late, là, qui montrait les images d'un Agen Agen Bordeaux-Bègles en 96. Oui. Et ben, il disait les Agenais, ils relançaient tout de leur propre en but et ils marquaient un essai de 100 mètres alors que c'était une quart de finale ou un truc comme ça. Ben maintenant, ça, tu le vois plus. C'était ça le jeu. Là. French Flair, en gros, quoi. Oui. C'est un peu cliché, mais c'est ça. Voilà. Ça, tu le retrouves plus. Ouais, un jeu d'initiative. Ouais. Tu sens le rugby. C'est pas planifié à l'avance. Oui. Voilà. Maintenant, tout est planifié. Tu sors de mêlée, paf, tu sais que tu dois aller là-bas. Sur 2-3 temps de jeu. Quoi. Voilà. Alors qu'avant, ben ça existait sûrement, mais pas sur chaque action. Oui, c'était moins visible et moins codé systématiquement. Ouais, ouais. Ouais, ils sentaient le jeu. Oui. Voilà. Et toi, tu te décrirais comment en tant que deuxième ligne? Mon jeu? Oui. Bah, à l'ancienne, un peu. Ballon en main, je suis assez technique, pas trop plus habile, quoi. Après, j'aime bien ferrailler, quoi. Oui. Voilà. Si, comme je disais tout à l'heure, si je touche pas le ballon du match et que je peux marquer l'adversaire, j'aurais fait un très bon match, quoi. Ok. Voilà. Et tu le marques de quelle manière, l'adversaire, alors? Ouais. Je marque pas par mes phrases. Hein. Oui. Ouais, je le marque si je peux y mettre un bon coup de tronche dans un ruck ou une tartine quand il y a l'arbitre qui a le dos tourné, ou tout ça, c'est là que je prends mon plaisir sur le terrain. Voilà. Et à ce sujet-là, t'as un ou deux matchs en tête, une ou deux actions particulières? Oui, avec Saint-Sulpice, là, en B, il y a 2 ans, on joue le quart de finale championnat de France en réserve, oui, de Fédéral 1 contre Massy. Et franchement, il n'y avait qu'un seul arbitre sur le terrain, et ça a été plus que rude, quoi. Après, nous, on a envoyé nos armes, et c'était tout sur l'agressivité, du 1 au 15. Oui. Eux nous répondent. Précise bien, du 1 au 15. Du 1 au 15, même au 23. Et eux, en face, ne répondaient pas trop. Et jusqu'à ce qu'on. Enfin, on n'a fait que se battre. Hein. Et dernière action, on perdait. Et là, je déclenche une générale sur le 5 qui était un ancien pro et lui il a ramassé tout le match. Donc je prends mon. J'avais déjà pris un jaune dans le match et dernière action, donc je me fais convoquer par l'arbitre et le 5 qui était capitaine lui dit ben ça sert à rien de lui mettre un carton rouge parce que le match est fini, donc mettez-lui juste un jaune. Et là, là je dis ben merci, t'es vraiment un bon gars quoi. Parce que t'as chargé toute ta partie là. Voilà, ça c'était vraiment le match référence. L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est celui-là aussi, quoi. Ouais. Belle bande de copains. Alors, on s'est. Puis on perd 22-16 ou un truc comme ça, quoi. On n'est pas loin de faire le hold-up, parce que sous une pluie battante, si c'est un terrain. Ouais. Sec, avec 40 degrés, on en prend 80, c'est sûr. Mais bon, tout était en notre faveur ce jour-là. Oui. Voilà. Ok. Bonnard, quoi. Ouais. Et ça t'arrive des fois de ramasser aussi en contrepartie? Ouais, ouais. Bah, si tu aimes en mettre, hein, tu dois accepter d'en prendre aussi. Oui. Ouais, je me suis fait éteindre là l'année dernière contre Trélissac. Il a sorti de mêlée. Là, j'ai même pas vu le coup partir. Et je l'ai encore moins senti et j'ai fait dodo. Ouais. Voilà, je me suis réveillé dans les vestiaires, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, c'était apparemment le deuxième ligne d'en face. Oh, ça arrive, hein. Oui, c'est le jeu. Voilà, c'est-à-dire c'est parti du jeu. Ouais, voilà. Ouais. Oh, ouais. Il y a que si vraiment tu perds des dents ou des trucs comme ça, ouais, ça fait chier. À la limite, je peux comprendre que tu portes plainte, mais les mecs qui portent plainte parce qu'ils ont planché orbital sur un marron, bah, tu fermes ta gueule. Tu t'as ramassé, ça arrive. Hein. Ouais. Voilà. J'ai des collègues là, ils partent en procès pour. Parce qu'ils ont cassé un nez, quoi. Ça, c'est triste d'en arriver là, et ça, c'est l'évolution du rugby aussi. Oui, c'est de plus en plus courant, j'ai l'impression. Voilà, hein. Ça, avant, quand t'écoutes les anciens, ça n'existe pas, hein. Oui. Même avec des dents, des côtes cassées, des trucs comme ça, bah, ils fermaient leur gueule. Oui. Et le mardi, c'était l'entraînement, quoi. Oui, bon, après, on peut comprendre les gens ouais. qui se défendent si c'est totalement gratuit et sorti du contexte. Oui, c'est sûr. Si t'es au sol, que tu prennes une semelle, c'est sûr que c'est... Là, il faut que le mec charge, mais oui. sur une générale, ben, tout peut arriver. Oui. Voilà. Exactement. Ouais. Faut avoir les yeux partout, là. Même derrière la tête. Ah ouais, voir surtout. Ouais, ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a des courageux dans les générales. Ouais. Voilà. Ok. Et t'as déjà joué avec un deuxième in qui te ressemblait? Bah oui. Ouais. Toujours dans ce fameux club de Saint-Sulpice. Ok. Avant ça, non? Avant, c'est à Montpellier, mais enfin, il a attaqué 8, il est monté vite fait en seconde barre et il a fini à droite. Ok, c'était d'accord. Antonetti. Oui. Qui joue maintenant à Gruissant en Fédéral 2, je crois. Ils sont montés. Voilà. Lui, ouais, on s'entendait bien. Parce qu'il aimait ça aussi. Voilà. Et sinon, à Saint-Sulpice, c'est Nicolas Galetto. Oui. Voilà, c'était ma. On faisait l'attelage tous les deux. Pas plus mobile que moi, mais. Il aimait le chocolat, quoi, comme on dit. Voilà. Et on était assez réputés dans la région toulousaine pour ça. Oui, ce que j'allais te demander, maintenant, avant les matchs, ils savent à quoi s'attendre quand ils louent Saint-Sulpice, les gens ouais. Surtout quand tu joues, ou même en général? En général. Ok, et quand tu joues, t'es ciblé, ils se plaignent de toi plus rapidement à l'arbitre que... Bah, déjà, je suis ciblé parce que je monte vite au quart de tour. Oui. J'ai le sang chaud. Et puis j'ai des copains qui jouent à Castanet, à Blagnac et tout, et genre j'ai un ancien de Saint-Sulpice qui a signé à Castanet il y a 2 ans, et ouais. c'était notre premier match l'année dernière contre eux, et les joueurs parlaient de moi en disant ouais, là-bas il y a un seconde barre rasé avec le bandeau, apparemment il aime mettre les marrons, tout ça, donc rentrez pas dans son jeu, tout ça quoi. Oui, oui. Voilà. Après, moi, ça me flatte hein, qu'on parle comme ça de moi. Je suis content, quoi. Mais bon, après, je fais pas... J'essaye de prendre sur moi, maintenant, parce que ça coûte trop cher à l'équipe de jouer à 14, quoi. Même si c'est vraiment pas facile. Mais bon. Voilà. Ouais, mais j'ai l'impression, quand même, quand on s'est connu à Montpellier, t'aimais faire un peu la polizei sur le terrain, mais je dirais pas tant que ça. Ouais, j'ai l'impression que t'es lancé dans un engrenage, là, depuis que t'es à Saint-Sulpice. Mais... Déjà, je suis arrivé à Montpellier, on a failli pas se qualifier à cause de moi en cadet parce que j'avais pris un rouge direct contre Nîmes. Okay. Et de là, j'avais pris un savon par les coachs, par Gilles Tubert et Pascal Quince. Et même les dirigeants m'étaient un peu tombés dessus en disant qu'il fallait vraiment que je me calme là-dessus, quoi, oui. si je voulais rester. Voilà, donc ben, forcément, ben, ça calme hein, si tu veux prétendre à quelque chose oui, quoi, 17 en tant ans. Que jeune. Ouais. Voilà. Après, j'ai assez vite vu que je percerais pas, mais je voulais profiter au maximum de cette expérience-là. Donc, oui. Il fallait que je garde des mains dans les poches et les sortir quand vraiment il y avait une générale. Ou, ça voilà. s'imposait, oui. Voilà. Oui, oui. Pas gratuitement comme maintenant je les ressors. Quoi. Ok. Parce que j'aime ça. Quoi. Ouais. Voilà. Tout en étant joueur de ballon, hein. c'est particulier. Ouais. Ouais. À l'aise avec le ballon. Quoi. Ouais, je suis à l'aise. Oui. Ah, c'est pas pour rien que t'es à Toulouse non plus. Hein ouais. Alors ça. Et un deuxième ligne en pro qui t'inspire ou qui t'a inspiré? T'as eu un modèle dans ton. Dans ouais, ta carrière, dans ton cursus? Ben, dans le combat, j'aimais bien. Il y en avait deux, Bakis, Botta et la Merluche. Oui. Et maintenant, c'est un peu plus Etsebet. Etsebet avec White Lock, j'aime bien. Ouais. Les mecs de l'ombre, quoi. Après, Rétalik, moi, il m'énerve un peu avec sa tronche. Hein. Sa tronche handicapée, là. Ouais. Voilà, mais... Moi, c'est surtout les mecs de l'ombre, quoi. On parle pas trop d'eux. Et ça, c'est... Oui. Et c'est eux qui font le taf, quoi. Voilà. Oui, sans eux, l'équipe n'a pas le même rendement. Voilà. Voilà, c'est surtout dans le combat. Oui. Seconde ligne, c'est ça. Tu prends tes ballons en touche, tu pousses en mêlée. Et voilà. tu fais les rocks. Voilà. Ouais, t'es d'accord. Quoi. Mais tu penses que c'est toujours d'actualité cette fonction de deuxième ligne? Bah, au niveau, en tout cas, non. Parce que quand tu prends chez les All Blacks, ils sont au milieu du terrain et c'est eux les plaques tournantes en fait. T'as Whitelock à droite et Retallick à gauche. Et ça fait 9, 10, 10, 4 ou 5 quoi. Voilà. Et après, en plus, ils arrivent à passer les bras pour faire jouer derrière eux. Voilà. Mais c'est une évolution qui te convient, on va dire ou... Bah, après, c'est vachement plus fluide pour le jeu et tout. Donc, t'en es conscient, quoi. C'est nécessaire. Oui. Ah, oui, oui, bien sûr. Mais bon, moi, je me vois pas faire ça. Ouais. Voilà. Ok. Je préfère déblayer le mec qui a le ballon plutôt que d'aller péter avec le ballon. Ok. Très bien. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de ton petit frère qui joue en roman. C'est une fierté pour toi qu'il soit professionnel? Ouais. Oui, complètement. Puis je lui dis, hein, il en est conscient que j'en suis fier. Hein. Il est parti de la maison à 16 ou 17 ans pour Bourgoin. Il a fait une première année en Crabos. Ensuite, il est monté en espoir où il a fait 3 ou 4 matchs et direct en première à 18 ans et demi, je crois. Oui. Ou 19 ans. Pendant 4 ans, il s'est imposé en numéro 1 et tout. Enfin, franchement, respect quoi. Puis, ouais, c'est mon petit frère. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Puis là, il retourne à la maison, à Romans. Voilà. Là où il s'y plaît, commencé. Quoi. Ouais. Oui. Il avait fait son école de rugby là-bas. Voilà. En plus, ton frère, c'est l'un des seuls rugbyman qui a joué avec son père. Ah ouais, il a fait une saison avec. En combien? C'était en troisième série, je crois. L'année où il signe à Bourgoin, il faisait un peu de tutorat pour le week-end où il jouait pas avec Bourgoin. Il joue à Malissard, c'est un club à côté de Valence. Et voilà, et ils ont été jusqu'en 8e ou quart de finale du championnat de France. Oui. Et il lançait en touche, il butait. Je crois qu'il faisait même président, je crois. Mais ouais, il a fait la saison avec mon père, quoi. Ah ouais, tu les as vus jouer? Ouais. Ah ouais, c'était sympa. Ah, ça devait être quelque chose, en effet, ouais. Ouais, mon frangin, il était tout fou. Ouais. Ah oui. Mon père, il le montre. Enfin, il le disait pas, mais ça se voyait aussi, quoi. Oui. Voilà. Et puis là, encore plus qu'ailleurs, on touche pas au neuf, là. Ouais, là, c'est clair. Emilio, le 18 ans, ouais. Le fils du deuxième ligne. Mais du coup, ton père, ça a été ton modèle aussi, à toi, peut-être. C'est oui, ton oui. modèle, voilà. Bah, et puis ce deuxième ligne rugueux. Voilà. Si je suis comme ça, c'est un genre d'hommage que je lui rends. Ouais. Quoi. Parce que quand on ne fait pas des grands discours non plus. Hein, donc voilà, c'est mon père, ouais, c'est vraiment mon idole. Quoi. Oui. Dans la vie de tous les jours, comme sur le terrain. Ouais. C'est vraiment un monsieur, quoi. Voilà. Ok. Et t'aurais un conseil à donner à ton frère ou un petit truc à lui dire? Rugbystiquement. Ouais, rugbystiquement, ouais. Voilà. Bah, de prendre plus d'initiatives dans le jeu. Ouais. Parce qu'il est trop cantonné à ce que dit le coach. Et tu vois, je suis allé le voir jouer contre Florence il y a 15 jours. Il y a eu... Sorti de ruck, il porte un peu le ballon et à 5 mètres de la ligne, quoi. Et s'il fait la fin de passe, il y va en moonwalk. Mais on en revient tout à l'heure, c'est que ce qui était établi, c'était de faire venir les gros en cut. Ouais. Et du coup, il fait la passe et c'est l'autre qui marque, quoi. Ouais. C'est une action. Enfin, c'est l'autre qui marque, mais c'est même pas pour laisser que je dis ça, mais. C'est une action où il perd sa vista qu'il avait naturellement. Ouais, voilà. Ouais, parce que lui, pour le coup, il sent vraiment le jeu. Et il y a un essai qui marque contre Colomiers en Pro D2, là, il y a 3 ans, où il marque, il fait 60 mètres. Quoi. Oui. Petit coup de pied par-dessus la défense, il récupère, 4 Debre affûts sur le 9 qui fait la couverture, et à la course, il plante tout le monde avec crochet NT sur l'arrière qui revient. Quoi. Oui, oui. Voilà. Et c'est ça qu'il a perdu, quoi. Voilà. C'est juste ça. Après, le reste, c'est son boulot. Hein. Il fait ce qu'il veut. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que les joueurs décisionnaires comme 9, 10, C'est vrai que comme ils sont un peu les organisateurs du jeu et qu'on compte beaucoup sur eux, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils récitent et qu'ils oublient parfois l'initiative ou vraiment la lecture immédiate. Ouais, tu vois, il y a une action, il tape par-dessus le ruck, là. C'est genre killer, quoi. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais il est dans la boîte. Ouais, voilà, dans la boîte. Il y a un 2 contre 1 petit côté, ben non, c'était annoncé le coup de pied par-dessus, paf, il fait le coup de pied par-dessus. Parce que c'était sur une réception de coup d'envoi. D'accord. Ouais. Et voilà, il n'a pas voulu prendre de risque, quoi. Alors que le coup, il pouvait être tenté, quoi. Voilà. Et que là, à Agen-Bordeaux en 87, il aurait joué. 96. 96, pardon. Ouais, sinon, bah, oui. Certainement. Oui, je comprends bien. Ouais. Je comprends bien. Et quand vous étiez minot, vous y filiez au rugby avec ton père ou que tous les deux? Non, que tous les deux. Ouais. Ah, il chargeait le pauvre. Ouais. Ah, dans la piscine, déjà, il n'avait pas le choix. Il voulait jouer à autre chose, mais on jouait au rugby. Je lui mettais des cartouches. Ouais, il a combien? 2 ou 3 ans donc, toi? Ouais, 3 ans. Ouais. 3 ans, et puis c'est le yin et le yang. Hein. Ouais. Je fais 90, lui, il fait un 75. Je fais 120 plombes, il en fait 75. Ouais. Et déjà, Mino, il avait ce décalage. Ouais, plus encore, parce qu'il a mis du temps à grandir. Et moi j'étais déjà grand, je faisais sa taille, j'avais 8 ans. Voilà, et ça après dans la maison on avait mis un tapis, et moi je me mettais à genoux et il devait me faire des percussions. Ouais. Il arrivait lancé de 5 mètres, il ramassait. Enfin voilà, c'était cool. Lui il en garde pas le même souvenir que moi, mais moi je me suis régalé. Ouais, voilà. Trop bien. Et donc tout à l'heure tu nous as parlé de tes souvenirs avec Saint-Sulpice, mais en tant que fan du rugby, parce que bon, t'es un mec vraiment passionné, quel est le souvenir qui te revient là? En 99, là, la demi-finale. Ouais. France All Black, là, ouais. Donc t'as 8 ans, là? Ouais, 8 ans, je suis chez papy et mamie, on regarde le match. Ouais. Et voilà, c'était cool. Et tu vibres. Ouais, c'était sympa. Il y a celui-là et En 2007 aussi, oui. Le quart de finale où on va voir tous les deux le match à l'Irish à Montpellier. Et là, franchement, ils ont sorti The Match avec la miche qui fait la passe d'ess à Josion. Tout ça. C'est ça. Chapeau, et en revenant, on klaxonnait tout le long. Ouais, c'est ça. Avec mon klaxon de Jackie. Ah ouais, c'est vrai. Il passait bien là. Ouais. Les vrais le connaissent. Oui, c'est ça. Dédicace. Ouais. On faisait des wheelings sur le parking du centre. Ah, ça, c'est quand t'allais pas au bar, ça. Hein. On connaît pas. Ouais, ok. Et bon, bah, du coup, on va peut-être passer sur ton 15 de légende que je t'avais demandé de constituer. Allez, ben, en numéro 1, Jason Léonard, pour sa science de la mêlée. En 2, Tordeau. Ah oui. Voilà, le talon par excellence, à l'ancienne. En 3, Carleman, parce que il faut un peu du mec qui tâte le ballon. Voilà, ça équilibre. Ah, ça équilibre. 4 Connell et 5 la Merluche. Ah ouais, tiens donc. 4 pour quelle raison, ouais, au Connell, parce que dans les airs, c'est un king. Puis dans le combat, toujours. Et la Merluche, la poutre. La poutre en mêlée. Ça recule, ça relève. Ça avance, ça relève. Comme ça, ça croit que ça. L'arbitre croit que c'est l'adversaire qui relève. Tu récoltes la pénalité. Voilà, 6 Eric Champ. Pour mon papa. Oui. Le 7 Williams. Le rouquin du Pays de Galles. Oui. Mobile. Qui joue au ballon. Plaqueur. Gratteur. Tu mets pas Mako, c'est bizarre. Mako, je peux pas me le voir. Lui, j'aurais aimé l'avoir en face, par contre. C'est vrai. Personne l'a calmé, lui, dans sa carrière. Ouais. 9, Grégan. Attends, on a oublié le 8. Ah ouais, 8, Izzy Tolomaka. Ah. Un Toulousain. Ouais, donc. Ouais. Ah, mais un Toulousain particulier. Ah, lui, le perforateur. Ouais. Ah, il me régalait quand il partait 15 mètres d'élan. Ah, trop bon. En 9, Gregan pour la schister. Ouais. Tu sais qu'il y a encore des clubs qui l'appellent la Gregan, hein. Autour du rush, je sais. Ouais. C'est le nom de code. Ouais. Je sais. Oui, c'est le cas à Saint-Sulpice, d'accord. Ah bon? Je sais ce que tu veux laisser entendre. Je savais pas. Ouais, ouais, très bien. En 10, Wilco. Oui. Ah, indétrônable. Là, il est dans toutes les équipes. Hein. Ouais, c'est sûr. Le 11, Lomu. Oui. Pareil, il est dans toutes les équipes. 12, Josion. Ouais. Pour quelle raison alors? Parce qu'il savait faire jouer derrière lui. C'était la tour de contrôle, quoi. Oui. Franchement, avec l'équipe de France, il était trop fort. 13, O'Driscoll. Oui. Parce qu'un rugby 08, il est implacable. Il a une étoile. Très bonne référence. 14, Shane Williams. Oui. Voilà. Même gabarit que Lomu. Et en 15, Jason Robinson. Ah oui, pour les maxis appuyés de folie. Ah ouais, lui, il te cassait les reins, les gars. Voilà. Ouais. Après les remplaçants, j'ai pris 6 avant et 2 3 quarts. Parce que le rugby, ça se joue devant. Ça se gagne devant. Alors 16, Kisswood. Ah bah tiens donc. 17, Cali. Ouais. 18, John Hills, parce qu'on a besoin d'un buteur. 19, Bakis. Ota. 20, Olivier Magne. 21, Lamiche. Inchalak. 22, Oumaga. Ouais. Et 23, Tourner. Voilà. Bon, mais c'est bien ça. Il rentre à la combien ton pack là, pour redynamiser le tout là? Bah, aux alentours de la 50e. Eh oui, voilà. Ça, on garde l'intensité. Voilà. On sort des vestiaires, on donne tout pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça. Il y a le banc qui rentre. Des souvenirs de discours là? Ouais. Tu montes facilement là? Dans les avant-matchs? Toujours? Ouais, toujours. Ouais. Ouais. Je monte déjà vite le bourrichon rien qu'à la vidéo. Alors après, dans les vestiaires, je te raconte pas. Oui. Tous ils prennent de l'agneau, moi j'en ai pas besoin. Sinon, dans le couloir ça chauffe quoi. Ouais, ouais. Voilà, ouais, ben. Notre coach là, la batte qui nous fait. Pardon. Qui nous fait des sacrés beaux discours d'avant-match. Ouais. Ouais. Voilà. Des discours de village quoi. On est des copains, tout ça quoi. Oui, oui, oui. Ce qu'on aime dans le rugby. Et pour toi, le rugby c'est ça de toute façon. Ouais, ouais. Bah ouais, complètement. Si tu t'aimes pas sur le terrain et en dehors, ça sert à rien de venir. Oui. Bon, ça, tu l'as malheureusement un peu vécu dans ta carrière. Ouais, bah, c'est pour ça que je suis venu chercher là, ça, à Saint-Sul. Hein. Oui. Voilà. Bah, Colomiers, moi, ça. Enfin, je regarde un bon souvenir la dernière année, parce qu'on était vraiment un bon petit noyau. Mais la première année, je proposais des sorties, rien que bowling et tout ça, j'avais pas de réponse. D'accord. Enfin, c'est pas ça, quoi, le rugby. Comme disait Rive, hein. Mmh. Voilà. T'enlèves le ballon, il reste les copains. C'est vrai. Voilà. Que là, à Saint-Sul, ça se passe vraiment bien pour ça. Et ça se ressent sur le terrain, surtout. Mmh. Voilà. Quand t'as des résultats sur le terrain, ben en dehors, forcément, ça se passe bien. Et tu pourrais nous faire un 15 des copains, hein? Je t'avais pas demandé de le faire, mais vu qu'on en parle. Oui, oui. Poste par poste, ça va venir assez vite, j'imagine. Ouais, ouais, ben. En 1, Victor Labatte. Ouais. Parce que je suis arrivé la première année à Saint-Sul, j'étais à son cul. Et c'était du pain béni. Franchement. Vraiment, vraiment fort. T'as l'honneur, ben, toi. Oui. À droite, je vais mettre Antonetti. Ouais. Seconde barre, Galetto. En 6, Bastien Fabre. Alors c'est qui? C'est un mec de Saint-Sulpice. Il y aura beaucoup de mecs de Saint-Sulpice. Ouais. Il y aura beaucoup de mecs de Saint-Sul. Bah, tu peux nous parler de ton lien avec lui, peut-être? Bah, c'est un bon copain et on s'entend bien de partout, quoi, que ce soit sur le terrain, en dehors, et puis il faisait partie de l'épopée de fédérale 1B, quoi, contre oui. Massy. Donc voilà, on a des liens forts, quoi, cette oui. équipe-là. En 7, putain. 7. En 7, je vais mettre Gourdon, avec qui j'ai joué en cadet à la Voulte. Oui. En 8. Il était déjà fort à l'époque. Ouais, ouais. Ouais, il a toujours été au-dessus. Ouais. Contre Nice, c'était au Challenge Sud-Est. Il marque 3 essais, je crois. Et l'entraîneur qui gueulait, Denis qui gueulait sur ses joueurs. Mais putain, mais je vous l'avais dit de le surveiller, ce mec. Vous faites chier. Ouais. Ouais, t'avais pour le tenir à la culotte. Il faisait ce qu'il voulait, écouter par-dessus. Enfin, ouais. Un magicien. En 8, je vais mettre Execo, Pierre Cabot et Tony Bonaldo. Deux mecs de Saint-Sulle. L'un est plus technique que l'autre. Et l'autre est plus perforateur que l'un. Oui. En 9, mon frangin. Oui. En 10, Maxime Boyer, international ivoirien. sénégalais, pardon, je confonds toujours les deux. Donc, votre 10, ça s'insulte. Ouais, c'est ça. En 11, Gauthier Bey, c'est notre Jason Robinson. Ouais. En 12, l'animal, Roquebert, voilà, qui monopolise au moins 2 ou 3 joueurs. 13, je vais mettre Charles Robbe, parce que lui, il joue à Nîmes, là. Oui. C'est lui qui, d'ailleurs, pour notre première journée, on les a reçus et qui leur a donné le point de bonus défensif en marquant la dernière action. Ok. Et lui, je trouve qu'il a vraiment explosé au centre. Il jouait troisième ligne à Montpellier. Et après, ils l'ont fait passer au centre et ça lui allait comme un gant. Ok. Puncher. 14. Je vais mettre Pierre Bérard. Oui. Je me demandais si t'allais le mettre. Parce que, en plus d'être un bon joueur, c'est un super fêtard. Toujours là pour faire le con. Et en 15. En 15. Je sais pas trop. 15. Ouais. Eh ben, un ailier qui passe arrière. Hein. Ouais, je vais mettre Sicard. Sicard parce que c'est une mobilette. Dans les airs, il est pas maladroit. Et puis parce qu'on le rointait à FIFA avec Kun Agüero. Voilà. Et c'est qui le coach de ce 15 des copains là? Le coach. Alors devant, je vais mettre Thierry Barbière. Oui. C'était mon coach à Colomiers, en espoir. Et derrière, je vais mettre Gilles Tubert. Oui. Que j'ai eu à Montpellier, qui est natif de la Voulte. Voilà. Ah bah tiens donc. Voilà. Super. Et bon là t'es papa depuis novembre 2016. Ouais. Donc ton petit aura bientôt 2 ans. Mm. Dans 10 ans, tu lui conseillerais quoi s'il joue au rugby? Bah de prendre du plaisir. Ouais. De prendre du plaisir. D'aller là où il veut, quoi. Oui. Il n'y a pas de club forcément à refuser. Ou s'il veut jouer en 4e série, jouer en 4e série, j'en aurais rien à, oui. rien à faire. Voilà. Tant qu'il prend du plaisir avec les copains. Et voilà. C'est la valeur la plus importante. Ouais, ouais. Oui. Ok. Voilà. Et toi, tu serais quoi sans le rugby dans ta vie, à ton avis, aujourd'hui? Ouais. Je sais pas trop. Parce que ça inculque de belles valeurs, quoi. Franchement, je sais pas. Déjà, je pense que je serais même pas. J'aurais pas vu. Je serais resté chez mes parents, quoi. Oui. Enfin, dans la région valentinoise. J'aurais pas vu du pays, du país. Et j'aurais pas fait de belles rencontres non plus, quoi. Mmh. Tu restes dans ton cocon. Voilà. J'aurais peut-être ouvert mon bar chez mes parents, voilà. Je sais pas. Parce que t'aurais été toujours avec ce besoin d'avoir des copains. Ouais, ouais. La fraternité. Ouais, je pense. Oui. Je pense, parce que j'ai été éduqué comme ça. Oui. Ouais, la famille, les copains, voilà. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Voilà. Et ton regard sur ta carrière? Ouais, je pense que j'ai été un peu feignant. J'ai été un peu feignant, tout m'est tombé dessus sans rien, sans que j'y fasse tout pour, quoi. Oui. Mon peuple me cherche, est venu me chercher parce que j'étais grand et solide. Après, ben, je sortais des bons matchs avec eux, mais sans travailler à côté. Mmh. Je suis resté 5 ans. À Colomiers, ben, j'ai envoyé le CV. Et, ben, je dis, ben, si ça marche comme ça, pourquoi j'en ferais plus, quoi. Oui. Voilà. Et voilà. Et pareil pour Saint-Sulle. Bon, ben, je suis pas trop forcé, quoi, on va dire. Pas de regret à ce niveau-là? Ouais, un petit, mais après, j'ai trouvé ce que je voulais, donc... Oui. Il est vite parti, ce regret. Ok. Voilà. Tout va bien. Ok. Voilà. Ouais. Et enfin, dernière question, nous concernant. Qu'est-ce que tu me dirais sur mon rugby que tu m'as jamais dit? Sur toi? Ouais. Je t'ai jamais dit. Tu voudrais me redire, je sais pas. Ouais, bah, qui te semble d'actualité? Il me semble te l'avoir dit, mais... Bah, d'être un peu plus méchant. Ouais. Dans l'agressivité, la méchanceté, quoi. Voilà. Parce qu'au combat, tu y es, mais t'es trop propre. Voilà. Ouais. Voilà. Mais tu vois, t'es trop propre. Parce que c'est peut-être ton boulot aussi. Vu que c'est ton boulot. Non. T'as pas... Ouais, mais... J'allais dire, c'est ma personnalité, j'allais oui, dire. Oui, aussi. Bah, c'est vrai, ouais. Voilà, j'ai pas envie de... Mais tu vois, j'en parlais avec Casto. Quand j'ai vu Casto, il y a 2 ou 3 jours, je lui ai dit... Je dois faire partie des premières lignes qui viennent avec toi, qui sont les moins méchants, quoi. Qui cherchent pas à enterrer ou à soulever son talonneur coûte que coûte. Et là, il m'a surpris en me disant, non, tu te trompes. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, tu vois, c'est des... Sans dire de... d'enfoncer ton talonneur, mais ouais. De marquer l'adversaire méchamment, quoi. Ah ouais, je vois bien. Voilà. Il y a que ça. La nuance, il y a que ça. Ouais. Voilà. Le reste, t'es un leader, t'es les discours d'avant match. Si t'es pas remonté avec ce que tu dis, ben t'as rien compris. Quoi. Ouais. Voilà, tu vis rugby toi aussi, voilà. Oui. Et c'est ça qui nous a rapprochés fortement aussi. Totalement. Voilà. Et ton klaxon. Ouais. Et ouais. Bon ben merci mon Juju. Merci à toi. C'était très bien, je suis ravi. Donc on publiera cet épisode avant ton match à Romans. Ok. Début janvier. Ouais. Voilà, ce sera un bon clé d'œil. Et d'ailleurs, donc c'est le 5 janvier. Oui. Saint-Sulpice se déplace à Romans. Mais le match, je crois pas qu'il a lieu à 18h30, il a lieu un peu plus tard. Vers 21h. Ouais. Ce qui va se passer, oui. Ouais, mais la troisième mi-temps. Se passe chez mes parents. Mon, ouais. Père, mon père offre la troisième mi-temps, la réception à son domicile, quoi. Voilà. Oui. Donc il y aura tous insultes, sûrement quelques joueurs de Romans. Voilà, pour une belle troisième mi-temps. Ouais. Voilà. Bon, ben merci mon Juju. Avec plaisir. Allez, bonne journée. Zagadao. Ziaou.